La chaise de la reine. Je sais épeler mon prénom. Mon père et ma mère aiment les fraises fraîches. Ta maison a une fenêtre ouverte.